إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأهداف. والدليل قوله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسأغطي الثالثة الدعوة إليه. الدعوة، قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله تبارك وتعالى دي son prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم دي voici mon chemin, أدعو إلى الله، يعني إلى توحيد الله عز وجل، أدعو إلى لا إله إلا الله، إلى مفتاح الجنة، إلى مفتاح الدين، دين الله جل وعلا. لكن على بصيرة، على علم، بعلم. J'appelle Allah, dit, voici mon chemin, j'appelle Allah. Donc le chemin du prophète, c'est quoi? الطريقة في الدعوة يدعو إلى الله جل وعلا. Donc son chemin dans la دعوة, c'est d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. إلى عبادة الله عز وجل بدون الشرك. على بصيرة بالعلم بالكتاب والسنة. J'appelle Allah avec science. أنا ومن اتبعني، يعني هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والسلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. Et ceux qui me suivent. C'est-à-dire الصحابة رضي الله عنهم et ceux qui les suivent dans le bien. والتابعين والتابع التابعين. والدعوة، la manière de faire da'wa, elle est de différentes manières. Da'wa tu ila Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut se faire par des discours, ad-durus al-ilmiyya, par des discours de sciences religieuses, comme à la mosquée, fi al-masajid, fi buyut Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien sur le minbar. Hein? Le prophète sallam ne faisait pas, il n'utilisait pas le minbar que pour khutbatul jumu'a ou bien khutbatul aïd. Il l'utilisait même en dehors de ça, il montait sur le minbar et il faisait ce qu'on appelle khutba. Hein? Pas seulement pour l'Aïd et le Jumu'a, il lui arrivait de monter sur le minbar pour autre. Au début, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam montait sur un tronc d'arbre. Puis, il lui fit construire un minbar de trois marches, trois petites marches. Puis ensuite, il montait sur ce petit minbar jusqu'à ce que sahaba radallahu anhum, il témoigne d'avoir entendu comme des pleurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su c'est qui pleurait. Et c'est le tronc d'arbre qui pleurait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bi akhlaqihi, bil adab, bil tawadu', il est venu voir cet arbre-là, il lui a dit: pourquoi tu pleures? Hadhihi al-mu'jiza khassa ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: pourquoi tu pleures? Il a dit: fut un temps où t'étais sur moi lorsque tu faisais ton discours. Et maintenant, tu ne vas plus faire sur moi, tu vas faire sur le minbar. هذه المعجزة خاصة على النبي صلى الله عليه وسلم. Ça c'est un miracle qui est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas de nos jours, comme on entend beaucoup de gens qui croient que le mu'jiza, ça leur arrive, alors qu'ils sont loin du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa al-mu'jizat lil-anbiya wal-rusul wal-karamat lil-salaf al-umma lil-sahaba radhiyallahu anhu ou lil-muttaqin fi kulli zaman wa makan. Ou al-muhadarat aussi par des muhadarat, hein, c'est-à-dire on peut trouver des séminaires où, alhamdoulilah, il y a plusieurs doros. La da'wa, elle se fait aussi comme ça. Elle se fait aussi par des livres. Il se peut que certains font da'wa bil kutub. Il y a certains parmi les du'at qui ont cette facilité à s'exprimer oralement, bil lisan. D'autres n'ont pas cette facilité, alors ils le font par écrit. Ils le font par écrit. Et quelquefois, alhamdoulilah, cela suffit par rapport à la science qu'ils détiennent et qu'ils mettent par écrit. Ou fil majalis al-khassa, ou bien dans des assises religieuses mais bien précises. Où là, le da'i va parler de choses bien précises. Pourquoi ? Parce qu'il a des personnes devant lui qui sont aptes à comprendre des choses que des gens de la masse ne sont pas aptes à comprendre. الدعوة سوف يوسي بالأسئلة سؤال جواب سؤال جواب question réponse. Ça fait partie des choses que les Sahaba رضي الله عنهم ils apprenaient, le moyen qu'ils apprenaient, ils apprenaient la science par ce moyen là, par des questions et des réponses. Ça fait partie de cela. Donc il y a plusieurs moyens de faire دعوة. Alhamdulillah, le bab واسع, c'est une sagesse d'Allah تبارك وتعالى, parce qu'Allah تبارك وتعالى il sait mieux que quiconque que du'at, ceux qui font da'wa, chacun a une facilité dans une chose que l'autre n'a pas. Alors chacun choisira sa facilité. Il choisira le bab, hein, il ouvrira la porte par là où ça lui est le plus facile. Kadalik lil ibad. Fil ibad. Il en est de même pour ceux qui adorent Allah, tabaraka wa ta'ala. Certains ont plus de facilité à faire nawafil, d'autres plus de facilité à faire siyam, d'autres plus de facilité à donner sadaqat, d'autres plus de facilité dans la lecture du Coran. Chacun choisira par là où ça lui est le plus facile. Et ainsi, il ramassera beaucoup de hasanat en ayant une bonne intention. La da'wa, c'est la fonction des prophètes, à la base, des prophètes et des messagers, qui eux ont prêché à leurs compagnons. Et tous les anbiya et les rusul. Adam, alayhi salatu wassalam, il a prêché à qui ? À sa descendance. Nuh, Hud, Ibrahim, wa Moussa, wa Isa, kullu ar-rusul wal anbiya, alayhim salatu wassalam, yad'una ila Allah jalla wa ala. Aqidatuhum aqidatun wahida. Ibadatullahi subhanahu wa ta'ala, biduni shirk. Tous les prophètes, tous les messagers ont appelé à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils étaient entourés de compagnons. Et ils ont prêché à leurs compagnons, qui eux-mêmes ont prêché à d'autres compagnons, et qu'ont prêché à d'autres, et à leurs familles, et ainsi de suite. Hatta fi hadha az-zaman. Jusqu'à ce que cette da'wa, qui est partie depuis Adam, alayhi salatu wa salam, elle arrive jusqu'à notre temps. Jusqu'à notre temps. Or, nous, on la doit à notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est pas arrêté dans le da'wa. Il n'a pas été découragé dans le da'wa. S'il aurait arrêté, on ne serait pas là, dans l'état où on est aujourd'hui. On ne serait pas fi d-din illahi subhanahu wa ta'ala. Si les sahaba radiallahu anhum, ils n'auraient pas fait l'amru min ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, on ne serait peut-être pas dans le manhaj, ou même pas dans le din. Mais eux, ils n'ont pas abandonné. Kun da'iyan fi kulli makani wa zaman. Lakin bil ilm. Wa bil akhlaq. Bil adab. Bil taqwa Allahi azza wa jal. Donc chacun d'entre nous se doit de propager selon sa mesure et selon sa capacité, le tout avec science et avec un bon comportement et de bonnes paroles. Et la règle dans la da'wa, la base dans la da'wa, c'est la douceur. C'est la douceur. On t'a pas dit de prendre un groupe, de parler avec eux, de parler, prendre la place dans la mosquée, de parler. Là, le minimum que tu peux faire, c'est da'wa à ton épouse, à tes enfants. Ahlul Bayt, les gens de ta maison. Ton père, ta mère, ton petit frère, ta petite sœur, même ton grand frère ou ta grande sœur. Kun da'iyan fi kulli makan wa zaman. La da'wa n'est pas que pour certaines personnes. Chacun est capable de parler d'une chose qu'il connaît. Walaw ayatan, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ne serait-ce qu'un verset. Tu connais un verset. Tu le connais, tu as bien compris ce que les ulama ils ont dit sur ce verset. Tu l'as appliqué. Da'wa. Tu prêches sur ce verset. Même un verset. Tant que tu as le fahm sahih wa l'amal bi, tu peux prêcher. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il rapporte comment il apprenait le Coran avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il montre en même temps comment l'étudiant en sciences religieuses doit se comporter avec le Coran. Il disait, il parlait au début de l'istikhara, la prière de l'istikhara, il disait, on l'a appris comme on a appris le Coran. Le prophète nous a enseigné cette dua, la prière de consultation, comme le Coran. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on apprenait 10 versets. Il nous les expliquait, on comprenait, on appliquait, et on ne passait pas aux 10 autres versets tant qu'on n'avait pas compris et appliqué les 10 premiers. Et ceci, ainsi de suite. Et ceci, ainsi de suite. Mujahid, rahimallahu ta'ala wa radiallahu an, qui était l'élève de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit, j'étais l'élève de Abdullah ibn Abbas. Et il me faisait l'explication du Coran. Alors il me disait, Iqra. Wa qala Mujahid, a'udhu billahi min ash-shaytani wa rajim. Il lui a dit, stop, arrête-toi. Et il lui expliquait cette parole, al-isti'adha. Il lui a dit, continue. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, arrête-toi. Et il lui a expliqué encore. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrête-toi. Et il lui explique tafsir. Et il a dit, on a fait ça 7 fois. 7 fois. Al-ajalatu min ash-shaytan. La précipitation, elle vient du diable. Donc la connaissance, elle est obligatoire pour celui qui veut faire da'wah, mais il ne faut pas qu'il se précipite non plus. Et on connaît tous les bienfaits de la da'wah, hein, car celui qui appelle à un bien, même s'il ne le fait pas, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où il a appelé à ce bien, et les gens le font, ils gagnent les hasanat de tous ceux qui ont fait ce bien. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه lorsqu'il lui a dit si un d'entre eux lorsqu'il l'a envoyé pour faire da'wa si un d'entre eux rentre dans l'islam c'est mieux que les chamelles rouges. Les chamelles rouges à l'époque pour Quraysh c'est la chose la plus belle de cette dunya. C'est la chose la plus noble ce qu'ils aiment le plus dans cette dunya parmi les choses de la dunya. Donc mieux que toute cette dunya. Quelqu'un rentre dans l'islam par ta cause, on dit par ta cause parce que seul Allah tabaraka wa ta'ala yahdi man yasha. Allah guide qui il veut. C'est lui qui détient les cœurs et il met la guidée dans le cœur qu'il veut. Toi, tu n'es que la cause. Chaque chose qu'il fait dans l'islam, si c'est toi la cause qu'il est rentré dans l'islam, tu prends le hasanat. Chouf l'ulama wal mashaykh, le kutub al-ilmiya, toutes les cassettes qu'ils ont fait, l'ulama al mashaykh, les cassettes, les livres. Et tout le monde lit ses cassettes, tout le monde écoute ses cassettes, tout le monde lit les livres. Et chacun propage en même temps ce qu'il a appris, ce qu'il a lu. Regarde la hasanat qu'ils ont. Et ces savants-là, ils ont prié des savants avant eux. Qui ont prié d'avant eux, d'avant eux, d'avant eux, jusqu'à monter où? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-hasanat wa al-hasanat wa al-hasanat. Kadalik, Cheikh Al-Uthaymeen, rahmallah, il disait, il conseillait, lorsque tu as appris quelque chose, tu l'as compris, appliqué, propage-le tout de suite. Tout de suite. Pourquoi? Parce que ça, dans le qabr, ce sera des hasanat en plus. Même si tu es mort, sadaqatul jariya. C'est-à-dire, c'est cette science-là que tu as propagée tout de suite, là, même si tu meurs, étant donné qu'elle est propagée encore et encore et encore et encore, alors ça te fait des hasanat pour toi dans ta tombe. Hatta ba'd al-mut. Aide et ni'ma. Al-ajar azim indallahi subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une grande récompense. Hein? Il ne suffit pas d'apprendre, de rester à un cours, d'apprendre. Tu sors du cours et c'est fini, t'en parles à personne. Là. T'es marié, t'en parles avec ton épouse. Tu dis, voilà, aujourd'hui, viens. Tu t'assois 10 minutes, voilà ce qu'on a fait. Tac, tac, tac, tac. Voilà le fawaid qu'il faut retirer de ça, etc., etc. Ça coûte quoi? 10 minutes de ton temps. Khlas. Kadalik ma'al awlad. Tarbiyatul awlad. Tarbiyatun qalbiya. L'éducation du fils ou de la fille, mais l'éducation du cœur du fils ou de la fille. Pourquoi est-ce que tarbiya se divise en deux? Al-tarbiyatu al-badaniya wal-qalbiya. Il y a l'éducation du cœur de l'enfant, il y a l'éducation du corps de l'enfant. Éduquer le corps de l'enfant, c'est quoi? Lui donner à manger, à boire et le vêtir. Ça, tu prends soin du al-badan, du corps. Ok, il fait le qalb. Et le cœur, tu le laisses comme ça? Là. Tu dois éduquer le cœur de l'enfant. Tarbiyatul islamiyya, al-aqida, ma'rifatullahi jalla wa'ala. Labud, wajib. Kullukum mas'oul, yom al-khiyama, amam Allah jalla wa'ala. Tout le monde est questionné sur ses enfants, yom al-khiyama, ainsi que sur sa famille. طيب الرابعة قال الشيخ رحمه الله تعالى الصبر على هذا في une fois que t'as cru et avant de croire il faut l'ilm que t'as cru l'iman والعمل والدعوة الصبر après avoir propagé il faut patienter ما هو الصبر حبس النفس على طاعة الله عز وجل. C'est quoi la patience? C'est renfermer sa nefs, sa propre personne. Tu l'empêches de s'exprimer, de sortir. Habas al-nefs, c'est-à-dire enfermer sa propre personne. Pourquoi? Parce qu'elle souhaite une passion, là. Elle souhaite suivre sa passion. Elle souhaite sortir de sharia. Elle souhaite sortir de l'kitab et wa sunna. Alors, habas al-nefs. Là, tu es en train de la retenir. Ala ta'atillahi azza wa jal. وعن معصية الله سبحانه وتعالى. C'est-à-dire retenir sa nefs sur l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. إذا تصلي أنت من الصابرين. Lorsque tu pries, sache que tu fais partie de ceux qui endurent et qui patientent. Tu patientes à quoi? À l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y en a qui ne patientent pas, il y en a qui ne font même pas la prière. Toi, si en faisant ta prière, tu es en train de patienter sur, d'endurer sur la prière, sur une ibadah. Ça veut dire que tu retiens ta nefs de ne pas faire la prière. Tu es en train de l'éduquer. Tarbiyatun nufus. D'éduquer les propres personnes, sa propre personne. Jusqu'à ce que cette prière elle devienne un plaisir et une envie pressée, pressante. Voilà comment tu dois sentir la prière à la fin. Maqala Cheikh Al-Uthaymeen rahmallahu ta'ala, lorsque tu as fini salat al-fajr, est-ce que tu es pressé que Salat al-Dhuhr elle arrive? Lorsque tu as fini Salat al-Dhuhr, est-ce que tu es pressé que l'Asar il arrive? Ou bien tu dis, Alhamdulillah, j'ai encore plein de temps. Là. C'est ça l'Iman. On va voir si ton Iman il est correct. Là, tu vas savoir qu'est-ce que tu vaux. En dehors des ptila, en dehors des épreuves. Des choses simples. Est-ce que tu es pressé? Là, on vient de finir l'Asar. Est-ce que tu es pressé que le Maghrib il arrive? Pourquoi? Parce que tu vas être en prière avec Allah tabaraka wa ta'ala. Quand t'aimes quelqu'un, t'aimes beaucoup quelqu'un, t'es pressé de le voir. T'es pressé de le voir, t'es pressé d'être à ses côtés, t'es pressé de le voir. Il a le makhlouq. Ça, c'est d'une créature à une créature. Le mari, il est pressé de voir son épouse, l'épouse est pressée de voir son mari, il est pressé de voir ses enfants, son père, sa mère, etc. Le makhlouq, il a le makhlouq. Kaif al makhlouq? Il a le khaliq, Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que toi, tu es pressé d'arriver à cette prière? Est-ce que tu es pressé d'ouvrir le Coran parce que tu sais que c'est Kalam Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, est-ce que tu patientes là-dessus? Dans le da'wah, il faut patienter. Lorsque tu prêches, tu te dois de patienter. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Parce que ça, c'est arrivé à des meilleurs. Comme les prophètes et les messagers, alayhim salatu wassalam. Tayyib. Tu patientes aussi, an marsiatillahi azza wa jal. Tu patientes pour ne pas tomber dans le péché. Tu patientes quand tu fais l'ibadah, quand tu es ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, kadalik as-sabru an marsiatillahi subhanahu wa ta'ala. Tu patientes sur la désobéissance. Ta nefs, elle veut faire quelque chose de mal, de haram, d'interdit. Là, tu patientes. Là, tu patientes, tu te retiens de le faire. Et tu patientes aussi sur le qadar, sur ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété. Les gens face à cela se divisent en quatre catégories. La première catégorie sont les pires. Ce sont ceux qui insultent. lorsque quelque chose les touche, l'ibtila, une épreuve elle les touche, ils insultent Allah tabaraka wa ta'ala, ils insultent la religion ou ils insultent le qadar. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne l'ai pas mérité, kada ou kada ou kada. Qalbuhu marid ou mayyit. Ça, c'est quelqu'un, son cœur, il est malade ou il est mort. Athani, wa huwa la ba'th. Le deuxième, il n'y a pas de mal. Il lui arrive quelque chose, la yaqulu shay'an. La yaqulu. Il ne dit rien. Mais il sent une petite gêne dans le cœur. Il sent une gêne. Ça, il n'y a pas de mal à ça. Parce qu'il y a quelque chose de désagréable qui lui arrive, alors il sent cette gêne dans le cœur, mais il sait qu'il faut patienter, alors il ne dit rien. La ba's. Il n'y a pas de mal. Al-thalith. Le troisième, et on monte dans les degrés de foi comme ça. Le troisième, il remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ce qu'il a été touché. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout le mal qui lui vient, c'est les conséquences de ce qu'on fait ses propres mains. Il sait que lorsqu'il est touché par un mal, il l'a mérité. Il l'a mérité. Comme disait le sahabi, radiallahu anhu, j'ai reconnu les conséquences de mes péchés chez mon épouse et dans ma monture. Quand il rentrait chez lui avec son épouse, il ne s'entendait pas, ça criait, et sa monture n'arrêtait pas de le faire tomber. Yathkuru al-ma'siyah. Lorsqu'un mal te touche, commence à penser à tes péchés, tous les péchés que tu fais, jour et nuit, et là, ça éloignera la plainte de ton cœur. Et là, tu te diras, subhanallah, fallait que ça arrive un jour ou l'autre, de toute façon, avec tout le mal que j'ai fait, fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Avec tous les manquements que j'ai dans la religion, fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Donc il remercie Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a donné cette ibtila, cette épreuve, pour le remettre dans le droit chemin. Pour lui, c'est un sabab. C'est une cause pour le remettre dans le droit chemin. Wal-awwal, wa huwa afdalu minhum, wa yarda. Il est satisfait de ce qui arrive. Pourquoi? Hum sahaba radallahu anhum. Salaf al-umma. Celui-là, c'est le meilleur d'entre eux. Il est satisfait du mal qui lui arrive. Pourquoi? Qui dit mal qui m'arrive dit que je vais faire plus de dua, donc plus de ibadah. Ça veut dire que je vais patienter encore plus. Ça veut dire qu'il faut que je patiente. Et à ceux qui patientent, Allah tabaraka wa ta'ala, il a promis une récompense sans compter. Sans compter. Troisièmement, si un mal me touche, ça m'enlève les péchés, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rien qu'une épine qui me touche, elle t'enlève le sayyat. Lorsqu'ils recevaient un cadeau, ils étaient contents, non pas parce que c'est un cadeau qui leur parvient, mais ils étaient contents parce que c'est une occasion, c'est une cause en plus pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala, pour dire Alhamdulillah une fois de plus, en dehors de ce qu'ils auraient dit d'habitude. Hada huwa al-muwahid. Hada huwa al-muwahid. Wa yafham la ilaha illallah. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. طيب. Donc cette patience, elle fait partie de la da'wa des prophètes alayhim salat wa salam jusqu'à ce que la victoire leur fut parvenue alayhim salat wa salam. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. À tout prophète, nous avons fait un ennemi. Chaque prophète, il avait un ennemi. Wa awwalu minhum, Iblis. Shaitan. Combien de fois Iblis est intervenu lui-même, de sa propre personne, auprès de Quraysh, pour trouver un plan pour tuer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois? Et il est connu qu'Iblis prend l'apparence d'un vieillard aux cheveux blancs et à la barbe blanche. حتى عنده اللحية. نعم. Pourquoi barbe blanche et cheveux blancs? Parce que ça marque l'ancienneté, l'expérience et la sagesse. Alors il se fait passer pour quelqu'un comme ça. Hein, il fait croire aux gens que je suis quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la sagesse, il a un vécu. Hein, le jeune, il n'est pas comme un vieux. Tu peux dire tout ce que tu veux, l'expérience que le vieux a eue, elle n'équivaut en rien la jeune expérience du jeune. C'est pour ça que quand un vieux il a de la science et un jeune il a de la science, alors on va vers le vieux qui a de la science. Pas comme on trouve de nos jours. Beaucoup de jeunes vont vers des jeunes en délaissant les plus vieux dans la science. Mahada. Al-Kibar, Kibar ulama, rahimahumallah wa hafidahumallah ta'ala, ils ont non seulement ils ont la science, mais ils ont le vécu et l'expérience. Ils ont vu des choses, ils ont subi des choses que le jeune n'a pas encore subies et que lui, il va découvrir ces choses-là. Et rien ne te dit que ce jeune-là va résister à toutes ces fitnes qui vont le toucher. Alors que le vieux, lui, ça y est, il les a laissés passer. Ils sont derrière lui. Ces choses-là, pour lui, c'est du passé. Ce n'est pas pour rien si Abdullah ibn Mas'ud il disait, prenez votre science des morts, car eux sont morts sur la sunna. Ça y est, ils ne peuvent plus glisser, ils sont déjà morts. Rahimahumallah ta'ala, ils sont morts à la sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc chacun doit s'attendre à ce que ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ce message et qui va l'accepter. Mais il y a une chose, c'est que le da'i, celui qui fait da'wa, se doit de parler aux gens de choses qu'ils comprennent. Comme il a dit Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, vous parlez de choses à des gens, ils ne comprennent pas. Est-ce que vous voulez que ces gens-là mentent sur Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le fait de parler à des gens de choses qu'ils ne comprennent pas, s'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils vont dire ensuite n'importe quoi. Ce qui signifie qu'ils vont mentir sur Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout en croyant qu'ils disaient quelque chose de bien. Donc lorsque tu parles avec ton père, ou à ta mère, ou à tes enfants, ou avec ton épouse, ou autre, parle-leur de choses qu'ils comprennent, et de choses dont ils ont le plus besoin. Pourquoi est-ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il appelle à plusieurs fois et à plusieurs reprises à l'adorer sans rien lui associer, yad'u ila tawhid? Parce que c'est le plus grand manquement dans l'humanité. Pourquoi la chose la plus grande qu'il prévient à chaque fois, c'est shirk? Parce que la majorité des gens sont dans shirk, billahi azza wa jal. Donc toi, lorsque tu parles avec quelqu'un, regarde son plus grand manquement, c'est quoi? Et c'est ça que tu dois corriger, et tu dois patienter. Tu dois patienter. Certains ne patientent pas avec, par exemple, leur épouse, ou l'épouse ne patiente pas avec son mari. Pourquoi elle ne change pas maintenant? Pourquoi lui ne change pas? Tout simplement, la règle, elle est simple. C'est qu'il n'y a pas les bases de la religion dans le cœur de cette personne. Quand il n'y a pas de base, ce n'est que du bricolage. Comme aujourd'hui, des gens qui croient qu'ils apprennent leur religion en regardant des vidéos sur Internet sous-titrées. L'ilm, elle est fi kutub al-ilmiya, ou ma'a al-ulama wa al-mashayikh. Il n'y a rien de construit, il n'y a rien comme base. C'est du bricolage. C'est une maw'iza qui l'entend comme ça. Même si le discours, il est bien dans la vidéo. Même si le shir, il est bien. Mais il va écouter ça, quoi. Il va regarder. La semaine d'après, il n'y a plus rien. Parce qu'il ne commence pas par le plus important. Ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yad'u ila tawhid. Il a appelé au tawhid plus de 10 ans. 10 ans à la Mecque, 3 ans à Médine. Il fallait enlever tout shirk qu'il y avait dans le cœur des gens. Et ensuite, une fois que les cœurs étaient purifiés de l'impureté, là, on pouvait remplir avec al-tawhid, ma'rifatullahi azza wa jal. Ce qui n'est pas de da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le sera pas hatta taqum sa'a, jusqu'à ce que l'heure n'arrive. Tu veux faire da'wah, il n'y a pas de problème. Mais tu fais da'wah de la manière qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de commencer par les fondements, de commencer par les bases. Pourquoi vous croyez que les sahaba, ils ont changé? Il y en a un d'entre nous, il enterre sa fille vivante? Là, eux, ils ont enterré des filles, leurs filles vivantes. Et ils sont devenus qui? Antum khayra ummatin ukhrijat linnas. La meilleure des communautés. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala a agréé, radiallahu anhum. Allah est satisfait d'eux. Allah est satisfait de gens qui ont enterré leur fille vivante, mais qui, par l'islam, sont devenus les meilleurs de la création après les prophètes et les messagers. Alim salat wa salam. À cause de quoi? Ma huwa sabab? Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Bittawhid. Bittawhid wa sunna. Faqat. Et ils étaient unis sur le Coran et la sunna. Pas comme aujourd'hui où certains veulent réunir des gens par un moyen que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a jamais réunis. Donc cette patience, elle se divise en trois. Il y a la patience sur l'obéissance d'Allah, la patience sur ce qu'Allah interdit, et l'obéissance sur ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a décrété. وَالدَّلِيلِ قَالَ الْمُؤَلِفَ رَحِمُ اللَّهِ وَالدَّلِيلِ La preuve. Quand il dit la preuve de quoi? La preuve qu'il faut, qu'il nous est obligatoire de connaître quatre points. La science, appliquer cette science, prêcher cette science et patienter après avoir prêché cette science. C'est quoi la preuve? Wal-asr, inna l'insana lafi khusr. Par le temps, l'homme courra sa perte. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah tabaraka wa ta'ala ne s'est pas arrêté là dans sa parole. Inna l'insana lafi khusr. Illa man, illa alladhina amanu. Premièrement, sauf ceux qui croient. Al-iman. Illa alladhina amanu. Amanu bil-ilm. Ils ont cru parce qu'ils ont appris. Ils n'ont pas cru comme ça. Ils ont cru parce qu'ils ont appris. Wa aminu salihat. Deuxièmement, ils ont appliqué ce qu'ils ont appris. Ils ont cru, ils ont appliqué. Al-iman wal-amal salih. Wal-amal thamaratu al-ilm. Wa thamaratu al-iman. Quant à cette action, ces actions que tu vas faire, ces bonnes actions, ils sont les fruits de ta foi et de ta science. Wa tawasaw bil-haq. Ils s'enjoignent mutuellement la vérité. C'est-à-dire qu'ils font quoi? Ils font da'wah. S'enjoindre mutuellement la vérité, c'est faire da'wah, prêcher les uns envers les autres. وَالنَّصِيحَ وَالْأَمْرُ مِنْ مَعْرُوفَ وَالنَّيْ عَنِ الْمُنْكَرِ Conseiller, ordonner le bien, interdire le mal. وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ Après avoir prêché, ils s'enjoignent mutuellement la patience. Les quatre. الإيمان العمل الدعوة الصبر والعصر بالمعنى الوقت يعني الزمان سي par le temps صلى الله تبارك وتعالى jure par le temps et jure par sa création. Quant à l'être humain, il se doit de jurer par Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika la, par Allah seul. Et comme il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, la personne, elle doit se combattre elle-même, combattre sa propre personne. Sur quoi? Sur le fait d'apprendre. Le fait d'apprendre la science et d'apprendre le chemin qui va pouvoir sauver son âme. Deuxièmement, il doit combattre sa propre personne à appliquer cette science qu'il a appris. Troisièmement, il doit combattre sa propre personne à prêcher ce que les gens ne savent pas et ce dont ils ont besoin. Et quatrièmement, il doit combattre sa propre personne sur le fait de patienter sur ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit et dans les difficultés de la da'wah. Wa qala Shafi'i rahimahullah ta'ala. قال المؤلف رحمه الله وقال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم الدين كله في هذه السورة الإمام الشافعي رحمه الله il a dit par rapport à cette sourate si Allah n'aurait descendu comme preuve sur sa création que cette sourate cela aurait suffi parce que dedans t'as tout. Inna l'insana fi khusr. Kullu insan fi khusr. Min adam hatta taqum sa'a. Illa man, illa alladhina amanu. Wa aminu salihati wa tawassu bil haqqi wa tawassu bil sabr. Ceux qui ont ces quatre qualités. ils sont sauvés. Ils ne sont pas dans la perdition. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري رحمه الله تعالى il a dit dans un chapitre qu'il a في صحيح البخاري السحو الكتب بعد القرآن من أقوال أهل العلم. Le plus authentique des livres après le Coran, c'est Sahih al-Bukhari. Parce que l'imam Bukhari, il est le plus fort, le plus dur dans, en ce qui concerne les chaînes de transmission du hadith. Il a des conditions qui sont plus fortes et plus dures hein, que les autres muhaddithines. Il y a des choses que l'imam Muslim a acceptées dans Ilm al-Hadith par rapport à l'isnad, à la chaîne de transmission, que l'imam Bukhari lui-même ne l'a pas acceptée. Donc les conditions de Sahih Muslim, elles sont les plus élevées. Ensuite, il y a celle de Muslim. Ensuite, c'est le hadith Rawahu al-Bukhari wa Muslim, muttafaqun alayh. Ensuite, sont les autres hadiths. Lui, il a dit, il a mis un chapitre, Al-ilm qabla al-qawl wa al-amal. La science avant la parole et les actes. Sa preuve, c'est quoi? C'est lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit, selon le sens des versets, fa'alam annahu la ilaha illallah, sache, fa'alam, amara Allah Azza wa Jalla bil-ilm. Allah, il a ordonné la science. Les gens croient que c'est celui qui apprend, c'est bien, celui qui apprend pas, khair, inshallah. Wajib. Al-ilm, wajib. C'est obligatoire. C'est obligatoire pour tout le monde. Le petit, le grand, tout le monde. Homme ou femme. C'est obligatoire d'apprendre sa religion. Fa'alam. Allah Azza wa Jalla l'a ordonné ici. C'est un ordre. C'est pas un conseil, c'est un ordre. Annahu la ilaha illallah. Apprends qu'il n'y a nul digne d'être adoré en vérité qu'Allah. Wastaghfir li dhanbik. Puis demande pardon de tes péchés. Ici, Allah, il a mis la science avant l'action. Sache, puis demande. Donc, l'ilm qabl al-qawl. Avant la parole. Qabl al-qawl wa al-amal. قبل القول والعمل avant la parole et les actions. Donc celui qui s'accroche à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui s'accroche à la foi, à la bonne action, à la da'wa, qui patiente là-dessus, celui-ci bi'idhnillah ta'ala, cela lui suffit. Yakfik. Cela te suffit. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que celui qui est doué de raison, celui qui est doué de raison et qui a la clairvoyance, celui-ci, il verra, il saura détecter ces quatre conditions qui sont dans cette sourate et que ces quatre-là lui suffiront dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas. طيب وهذا يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. C'est bien la preuve que l'homme il doit apprendre d'abord. En premier il apprend. Deuxièmement il applique ou il dit. ولا نقول كما قال أهل البدع المبتدعون. Faut pas faire comme ils font المبتدع les innovateurs. C'est-à-dire quoi? Qu'ils ont une aqida. Ils ont un manhaj, une manière de comprendre. Ils la tiennent de leur shir. Et qu'après, ils vont aller chercher, fil kitab, ou fil sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam, les textes qui vont en concordance avec ce qu'ils croient dans leur aqida ou leur manière de comprendre. Ahl sunnah, c'est l'axe. Ahl sunnah, c'est le contraire. Tu ne crois rien. Tu ne crois rien dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala tant qu'il n'y a pas un texte. Tu ne crois rien tant qu'il n'y a pas un texte qui vient te dire qu'il faut y croire. Combien de gens ont donné des noms et des attributs à Allah tabaraka wa ta'ala qu'Allah azza wa jalla ne s'est jamais attribué, ni comme nom ni comme attribut. Combien d'idées circulent dans le cœur des musulmans, cette idée-là n'est ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ils vont aller chercher des textes religieux qui viennent appuyer leur aqida. Alors que l'Ahl Sunna, c'est le contraire. Tout ce qu'ils croient, c'est fil kitab et wa sunna. Pourquoi? Parce que la règle, c'est tant que c'est pas dans le Coran la Sunna, ben j'y crois pas. J'ai pas à croire à ça. À ce que tu me dis, tant qu'il n'y a pas ad-dalil. Wal muslimun ummatu ad-dalil. يقول الله عز وجل ادعو الى الله على بصيره. Parce qu'Allah عز وجل a dit, j'appelle à Allah avec science. بالدليل الحجة avec la preuve الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. On va s'arrêter là inshallah pour le cours d'aujourd'hui inshallah, et on continuera la prochaine partie qui est un autre chapitre du livre de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.